Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre second, quatrième paragraphe, Abigail, la femme de Tekua. Si le saint roi David fut dans presque toutes ses actions une figure du divin rédempteur, deux femmes sages qui entremirent près de lui leur médiation respectivement en faveur de deux coupables, furent évidemment des figures de Marie. Nul doute qu'elle n'exerce très souvent auprès de son divin fils cet office de miséricorde, et cela en faveur d'une infinité de pécheurs. La première de ces deux femmes fut Abigail, qui, apprenant que David, justement indigné, se disposait à punir de mort l'insensé Nabal, s'avance promptement à sa rencontre, l'apaise, le désarme. Le cœur de David naturellement porté à la mansuétude éprouva la plus douce satisfaction d'avoir rencontré cette femme prudente, qui l'empêcha de se faire justice de sa propre main. Il la combla d'éloges et de bénédictions pour avoir su si heureusement réprimer sa colère, Septuaginta 1, roi 25. L'autre médiatrice fut la femme de Tekua qui vint aussi près de David intercéder pour Absalom fugitif, Septuaginta 2, roi 14, « J'avais deux fils, dit-elle, l'un a ôté la vie à l'autre, maintenant les parents réclament le fils qui m'est resté pour le livrer à la mort, ils veulent ainsi me priver de l'un et de l'autre de mes enfants. » David la consola, et lui promit sa protection en faveur du fils homicide. La scène se termina par le rappel d'Absalom dont cette femme avait plaidé la cause. Qui ne voit dans ces deux femmes sages et compatissantes le portrait de Marie? Ce qu'elles firent, l'une en faveur de Nabal et l'autre d'Absalom, la très sainte Vierge le fait chaque jour en faveur des pécheurs. Elle s'interpose auprès du véritable David, qui est Jésus-Christ, afin qu'il daigne oublier les offenses qu'il a reçues, et user de miséricorde envers les malheureux. Ah, comme le remarque saint Bernard, l'homme en péchant offense son Dieu avec hardiesse, mais, le péché commis, il se trouble, il tremble, il voudrait se soustraire, s'il était possible, aux yeux de Dieu même, au lieu de courir, le repentir dans l'âme, se jeter à ses pieds. La grandeur et la majesté de l'offense épouvantent le pauvre pécheur. Dieu touché de notre faiblesse et voulant rappeler à lui les fugitifs, envoya son divin fils pour qu'il se fît semblable à nous, afin qu'en le voyant ainsi abaissé par amour pour nous, nous n'eussions plus autant de crainte de nous approcher de lui. Mais que voulez-vous, comme nous avons à considérer dans Jésus-Christ non seulement la qualité de rédempteur, mais aussi celle de juge, notre timidité nous empêche encore quelquefois de nous approcher de lui. Il est plein de miséricorde, que dis-je, il est la miséricorde même, mais nous ne sommes, pour ainsi dire, que misère et pusillanimité. Que fera la sagesse divine pour nous rendre la confiance? Cette sagesse, cette miséricorde infinie de notre Dieu, non contente de nous avoir donné un médiateur dans la personne de Jésus-Christ, voulut encore nous donner une médiatrice près du médiateur lui-même. Et une médiatrice telle que l'homme le plus timide n'eut rien à craindre d'elle, mais tout à espérer. Pourrait-il encore se trouver quelqu'un qui refusât de s'approcher de cette médiatrice compatissante? Ô Dieu, et qu'aurait-il à craindre? Il n'y a rien de sévère en elle, rien de terrible, elle est pleine de douceur. Saint Bernard, sermon octave Assomption. Son esprit est plus doux, plus suave que le miel. Qu'a donc à craindre l'homme sans cœur? Et ne voyez-vous pas que Marie, non seulement accueille avec bonté celui qui recourt à elle, mais qu'en outre, semblable à Abigaïl et à la femme de Tekua, elle intercède même pour le salut de ceux qui n'ont point mis en elle leur confiance. Ô combien de fois, tandis que nous pensons à tout autre chose qu'à recourir à Dieu et à Marie, sans même que nous nous en doutions, la juste indignation de Dieu n'est-elle pas levée sur nous comme sur autant de Nabal, mais pendant qu'elle s'apprête à nous frapper, Marie, sans qu'on l'invoque, n'écoutant que la voix de sa miséricorde, intercède en notre faveur, nous obtient grâce et détourne de nous les coups de la colère divine. Combien de fois ne plaît-elle pas plus éloquemment que la femme de Tekua, pour les meurtriers de son fils? Ô combien de fois, qui sait combien de fois déjà, si Marie n'eût intercédé pour nous, la colère de Dieu se serait déchargée sur nos têtes. Ô Marie, mère tendre et compatissante, c'est à vous après Dieu que j'en dois rendre grâce, si je suis encore sur la terre, oui, c'est à vous, que je le dois, j'aime à le redire et je le redirai sans cesse. Vous avez intercédé pour moi sans attendre mes supplications, vous avez désarmé le bras de Dieu prêt à lancer sur moi les traits de sa fureur. Ô combien grande fut votre miséricorde, combien grande elle apparut dans mille autres occasions semblables, que, tout en moi vous rende grâce, et mon cœur, et mon esprit, et ma langue, et mes sens, et mes os, que toutes les créatures du ciel et de la terre vous rendent grâce pour moi, que, vos miséricordes même vous glorifient à jamais. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.